Section 52 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 21. En sortant du cabinet du docteur Bergeresse, M. Portail avait trouvé Charlotte dans le vestibule, car, après un moment d'hésitation, elle s'était décidée à les suivre. Il la prit par la main, et la poussant doucement mais résolument devant lui, il la força à rebrousser chemin et à rentrer dans le salon d'attente dont il ferma vivement la porte. « Emmanuel ! » s'écria-t-elle. « Mon enfant, dit M. Portail, il vous faut de la raison, du courage. La situation est affreuse pour vous, je le sens parce qu'elle m'inspire de douleur et de pitié, mais c'est dans son intérêt, pour son bien. Une séparation franche eût été trop cruelle, des adieux eussent été dangereux pour lui. » Des adieux ! À ce moment, à travers les deux portes fermées, retentit l'appel désespéré d'Emmanuel. « Charlotte ! Charlotte ! » !»« Mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Laissez-moi passer ! Laissez-moi aller à lui ! Il m'appelle, vous l'entendez ?» Mais on n'entendait plus rien, et M. Portail la serrait dans ses bras pour la retenir. « Songez, mon enfant, disait-il, qu'il est impossible maintenant de revenir en arrière. Le coup est porté. » Votre mari sait qu'on l'a amené chez le docteur Bergeresse et pourquoi on l'a amené. Le mauvais est accompli. Il faut maintenant attendre le bon du temps et des soins du médecin. Mais nous ne pouvons le laisser enfermer ainsi, c'est odieux. Que voulez-vous que nous fassions? Je veux le voir. Que lui direz-vous? Pouvons-nous résister à l'ordonnance des médecins? D'ailleurs, si c'était cela que vous vouliez, il ne fallait pas venir ici. C'est vrai, je ne sais comment je suis venue. Dans un cauchemar, il me semble. J'ai marché parce que vous marchiez. À vrai dire, j'espérais ne pas aller jusqu'au bout. Que sais-je? Un miracle ! La porte s'ouvrit et le docteur Bergeresse parut. Il vint rapidement vers Charlotte et lui prenant les deux mains. « Pauvre dame, » dit-il, « pauvre dame !»« Le docteur Bergeresse, » dit M. Portail. « Ah, monsieur !» s'écria Charlotte s'adressant au médecin. « Où est-il ? » ? On le conduit en ce moment au pavillon que je lui ai fait préparer. « Que dit-il ? » Sans répondre, le docteur Bergeret se dirigea vers une fenêtre qui donnait sur le parc, et écartant le coin du rideau, « Voici ce pavillon, » dit-il à Charlotte, « au milieu de ce bouquet d'arbres. Vous voyez que monsieur votre mari sera dans d'excellentes conditions de calme et d'isolement. Il aura un domestique spécialement attaché à sa personne qui ne le quittera ni jour ni nuit, de manière à empêcher ce que mes confrères redoutent. L'ameublement de ce pavillon est confortable. Il s'y trouve une petite bibliothèque, un piano. M. Narbanton pourra rester absolument seul, sans aucune communication avec mes autres malades. Il mangera chez lui, et son service sera ce qu'il voudra. Il n'aura qu'à commander. Ce n'est pas de tout cela que j'ai souci, mais de lui, de son état moral. C'est précisément la guérison de son état moral que nous espérons obtenir par ces moyens. Que va-t-il penser de mon abandon ? Me confier votre mari n'est point l'abandonner, bien au contraire. Prise entre le docteur Bergeresse d'un côté et M. Portail de l'autre, Charlotte ne tarda pas à être réduite au silence. À chacune de ces paroles, ils avaient une réponse immédiate. Le médecin s'appuyait sur la science, M. Portail sur l'amitié. Elle n'avait pas l'esprit à discuter. C'était pour le bien d'Emmanuel qu'on agissait. Que pouvait-elle répondre ? Qu'elle ne comprenait pas, comme eux, cette manière de faire le bien. On lui répliquait qu'elle se trompait, et alors elle était bien forcée de se taire. Harcelée, troublée par la répétition de paroles toujours les mêmes, pleine d'angoisse et de douleur, elle finit par le rendre. Elle ne verrait point son mari et le laisserait aux mains du docteur Bergeresse. « Je vous écrirai chaque jour, » dit celui-ci. « N'écrivez pas, » dit-elle, « je viendrai. Je veux que vous me disiez vous-même ce que vous pensez. » Ils sortirent. Au moment où ils franchissaient la porte d'entrée, une voiture s'arrêtait sur la route. Georges descendit de cette voiture et vivement il vint vers Charlotte. Comme elle marchait les yeux baissés et obscurcis par les larmes qui les remplissaient, elle ne le vit que lorsqu'il se plaça devant elle. Par un brusque mouvement, elle recula de deux pas en arrière. « Vous ! » s'écria-t-elle. « Vous ici ? » « Je suis venue me mettre à votre disposition, pour le cas où je pourrais vous être utile. » Que s'est-il passé ? Ce fut M. Portail qui se chargea de répondre à cette question. « Et maintenant ? » demanda Georges. « Nous rentrons à Paris, » répondit M. Portail. Georges alors proposa à Charlotte de la ramener à Paris, mais elle n'accepta point. Elle ne voulait point rentrer à Paris. Elle voulait s'établir dans un hôtel à Versailles, afin de pouvoir venir plusieurs fois par jour chez le docteur Bergeresse. Georges insista, ce qu'elle voulait faire n'était pas raisonnable. Mais M. Portail la soutint. « Laissons-lui la liberté, dit-il, et n'ajoutons point à sa douleur l'irritation de nos contradictions. Conduisons-la à Versailles et installons-la à l'hôtel. » Elle s'enferma dans une chambre de l'hôtel des réservoirs et elle tâcha de passer le temps en lisant un livre qu'elle envoya acheter. Le lendemain matin, elle se fit conduire à l'établissement du docteur Bergeresse. Mais le docteur n'était pas visible et elle dut attendre l'heure à laquelle il recevait. Encore, si elle eût pu voir Emmanuel ou seulement interroger le domestique qui le soignait. Mais on l'avait fait entrer dans le salon où la veille s'était accomplie leur séparation. Il n'y avait là personne qu'elle pût questionner. Elle avait passé son temps à tenir levé un coin du rideau de la fenêtre par laquelle il lui était possible d'apercevoir le pavillon où Emmanuel était enfermé. Peu à peu, d'autres personnes étaient venues s'asseoir dans ce salon et elle avait compris qu'elle n'était pas seule à souffrir de l'inquiétude et de l'angoisse. Enfin, elle avait été reçue par le docteur Bergeresse. La nuit avait été mauvaise pour le malade, très agité, tourmenté par des hallucinations. Il se croyait emprisonné par des gens qui voulaient sa perte. Enfin, il était en proie à ce qu'en médecine aliéniste, on nomme le délire de persécution. Pendant que le médecin lui donnait ses explications, elle avait une demande sur les lèvres qu'elle n'osait formuler franchement, le voir. Mais le docteur Bergeresse, allant au-devant de cette demande, lui avait signifié que le malade devait être maintenu dans un isolement complet. Pendant 4 jours, elle était venue ainsi jusqu'à 3 fois dans la même journée, et la réponse avait toujours été la même. Au bout de ces 4 jours, le médecin, lassé par ses questions, lui avait expliqué qu'il était inutile qu'elle restât à Versailles, attendu qu'il ne croyait pas qu'elle pût voir Emmanuel avant plusieurs semaines, 1 mois peut-être. Il était plus sage à elle de retourner à Paris, d'où elle pourrait venir d'ailleurs facilement tous les jours. La vie dans une chambre d'hôtel était si pénible pour elle qu'elle s'était rendue à ce conseil et elle était rentrée à Paris. Le soir même de son retour, elle avait reçu la visite de Georges. C'était au moment même où, sortant de sa chambre, elle passait dans la salle à manger pour le dîner. Il parut à la porte du salon. « J'ai forcé la consigne, dit-il en s'excusant. J'ai voulu vous voir, et je pense que les ordres que vous avez donnés n'étaient pas pour moi. « Je vous demande pardon, dit-elle d'une voix douce mais résolue, pour vous comme pour tout le monde. Je désire rester dans la solitude, dans une solitude absolue, c'est-à-dire ne voir personne et ne m'occuper de rien. Cependant, dit-il en montrant la table sur laquelle étaient 2 couverts placés en face l'un de l'autre, comme si 2 personnes devaient s'asseoir devant cette table servie, vous pouvez croire que je reçois quelqu'un à dîner. Ce couvert est celui de mon mari. » Il sera mis à chaque repas pendant tout le temps que se prolongera notre séparation. Pour moi, sa place ne sera jamais vide. Encore moins sera-t-elle occupée. » Georges ne prolongea pas sa visite et après avoir demandé des nouvelles d'Emmanuel, il se retira. Les 2 semaines demandées par le docteur Bergeresse se prolongèrent pendant 45 jours. Ce fut seulement au bout de ce temps que Charlotte eut la permission de voir Emmanuel. « Peut-être ne vous reconnaîtra-t-il pas. » dit le médecin. « Il ne faut pas trop vous en émouvoir. C'est une épreuve à tenter. Je vais vous accompagner. » Pour la première fois, elle pénétra dans ce pavillon sur lequel elle avait tenu ses yeux fixés pendant tant d'heures douloureuses. Le docteur Bergeresse la laissa dans un petit salon qui servait d'entrée et passa dans une pièce voisine. 2 minutes s'écoulèrent terriblement lentes pour son angoisse. Enfin, la porte s'ouvrit et elle le vit s'avancer. Il vint à elle cérémonieusement et la saluant avec toutes les marques du respect. « On m'assure, princesse, que vous voulez me voir, dit-il, me voici, à vos ordres. » Elle crut que le parquet lui manquait sous les pieds et tout tourna autour d'elle. Lui, c'était lui qu'elle retrouvait dans cet état, amaigri, les yeux brûlants, les lèvres crispées, marchant avec des gestes incohérents, jetant rapidement de tous côtés des regards inquiets. M. Bergeresse fit un signe à Charlotte pour lui dire de se contenir. « C'est sans doute au sujet de mon invention que vous désirez me consulter. Je suis, madame, à votre disposition. » Il se dirigea alors vers une étagère sur laquelle était rangée une douzaine de petites fioles pleines d'un liquide incolore. Il prit une de ces fioles et revenant vers Charlotte, « Voici cette encre fameuse, et je suis heureux de vous en offrir une bouteille, puisque vous la demandez. Ne craignez rien, vous pouvez vous en servir en toute sécurité. Le premier jour, après que vous aurez écrit, elle sera apparente comme l'encre ordinaire. Le second jour, elle sera un peu moins lisible. Le troisième, elle pâlira. Le quatrième, elle commencera à se décolorer. Le septième, il ne restera plus rien. Si vous trouvez qu'une semaine, c'est trop long, je chercherai un moyen pour que la décoloration aille plus vite encore. Il y a des gens qui veulent inventer une encre indélébile. C'est bête. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une encre de ce genre? Des billets à ordre. Moi, j'ai cherché une encre d'un usage plus général. Je t'adore, on reçoit la lettre, on la lit, on est enchanté. 8 jours après, il n'y a plus rien sur le papier, liberté complète des deux côtés. N'est-ce pas précieux? C'est ce que j'appelle l'encre héroïque. En effet, elle meurt, plutôt que de mentir. » Il avait débité ces paroles avec l'emphase d'un charlatan qui vende sa marchandise. Tout à coup, sa voix prit un accent sérieux. « Vous me demandez comment j'ai été amené à faire cette découverte. C'est bien simple. On avait pris envers moi un engagement. On m'avait fait une promesse, un serment. On a manqué à ce serment. Alors je me suis dit que cette personne ne m'écrivait probablement pas parce qu'elle avait peur qu'il restât trace de ses engagements. J'ai donc inventé cette encre, et je lui en ai envoyé une bouteille. Eh bien, elle ne m'a pas écrit. Sans doute, elle ne croit pas à la vertu de mon encre. Quand vous en aurez fait l'expérience, voulez-vous me rendre le service d'aller voir cette dame et de l'assurer qu'elle peut m'écrire? Il ne restera rien de ce qu'elle dira. N'oubliez pas son adresse, je vous prie, Madame Narbanton, rue de Boulogne. » Ayant salué, il rentra rapidement dans sa chambre. Fin de la section 52.